Elle me trouve sympathique avec mon sourire narcotique. Je suis fait de blanc, je suis fait de noir, la vision d'un gothique. J'embrasse le ciel, j'embrasse ma mère, j'embrasse l'Afrique entière. L'amour n'a pas de frontières, même dans un sac mortuaire. Abandonné du monde, mais accro à la vie. Bourré, je rigole en pissant sous la pluie. Je donne quelques pièces à quelques sans-abri. J'ai fait du bien, j'ai fait du mal, mais dans le mal, y'avait du bien des fois. Tout est question de choix, assume quoi qu'il en soit. Dire des vérités, c'est devenu compliqué. Être en sécurité, c'est marcher broliqué. Après la guerre, on pourra s'expliquer. Tu crois connaître la hure parce que qui vendent la pure, y'a ceux qui vendent la mort, y'a ceux qui vendent la peur pour un meilleur futur. Toujours un peu de joie dans ma malchance. Je lâche 2-3 pas de danse. On m'a dit que la roue tourne, ouais, heureusement que j'ai de la patience. Si tu ne penses qu'à tes rêves, emmène-les tous dans tes cauchemars. Le soleil se lève, ce jour viendra, je serai heureux autre part. Je me complais dans le danger, y'a que la victoire qui me donne le sourire. Je voudrais manger, dormir, bandé jusqu'à en mourir avec mes disciples de la secte. On aspire toujours au meilleur, c'est notre putain de musique t'affecte. C'est qu'elle exorcise nos erreurs. La vérité, c'est que mal accompagné ou seul t'échoues. Que de la foudre autour de moi, alors j'attends que pleuvent les sous. Tout n'est qu'un calcul, je suis pas seulement chaleureux. Le bonheur est si complexe, je suis joyeusement malheureux. Maman. J'aime voir la joie dans les yeux de ceux que j'aime autour de moi. On parle plus facilement avec les yeux, mon vieux, sois sûr de ça. La famille c'est sacré, ça dépend où t'es tombé. Chez nous ça l'est, je donne pas mon amitié comme je donnerais un sachet. L'usine c'est le nom, le Z, la lettre gravée sur le temple. Là où j'ai grandi, appris de mes aînés sur le banc. On rigole au milieu des drames, des drogues et des armes. Réclame la paix avec des larmes, la paix est faite avec des flammes. Je m'entoure de bonnes personnes, les petites putains n'ont pas leur place. Un sourire sincère, ça se fait rare et pas de face. Mon cœur a du mal à s'ouvrir, mais il est généreux, m'éclaire un peu comme une seule bougie dans un endroit ténébreux. J'ai de l'amour pour la femme, élevé par une daronne respectable et un père qui m'a montré comment on la regarde. Je regarde le ciel, essaye d'apercevoir le Seigneur. La terre brûle sous nos pieds, le plus dur nous rendra-t-il meilleur? J'ai des amis de longue date, rien ne vaut un ami fidèle. Souvent c'est comme les meufs d'Insta, quand t'approches c'est que du pixel. Seul le bon en moi n'amènera que des bonnes choses. Je veux croquer la vie, mais pas trop, car la vie n'est pas une pomme rose. Y'a pas d'amour sans haine, c'est grâce à elle que j'aime plier des scènes. C'est très bien, pas de thème, on vient juste niquer des mères. J'ai besoin de billets verts, jaunes, pour nourrir le diable j'ai sur l'épaule. Je suis joyeux comme un hall après un coup. Quand il met le hall, il n'est que j'ai un fou. Quand elle me présente sa copine et qu'elle aussi je la fourre. C'est de la joie, c'est de l'amour. Ici y'a que de la peu pour le shit, c'est dans la tour. 3h du mat, fin de journée, fin de tournée. J'ai bougé du bat, mais j'suis toujours dans le bourbier. Ton rap c'est de l'eau, alors j't'encule avec un bâton de sorcier. J'te défonce avec la crosse, j'ai pas le temps d'enlever le grain de sûreté. La vie on en a qu'une, faut que je la ken, alors rends-moi ma thune. Si t'es en chien, donne le nom de ta schneck, elle fera la mule. J'préfère les blondes, teint-toi si t'es brune. J'pue la rue comme un boursier dans une cité U. Balance le son, j'les tue.